Je n'ai plus peur de la pluie, pleurant sur la vitre en eau du ciel qui a le cœur gros. Je n'ai plus peur de la pluie, car je sais que le soleil réchauffera le monde et que le ciel au réveil sera bleu comme l'onde. Je n'ai plus peur de la nuit qui ferme sa porte noire à l'heure où s'endort l'espoir. Je n'ai plus peur de la nuit, car je sais que la rosée, elle annonce du jour et que cette aube accordée promet bien d'autres retours. Je n'ai plus peur de l'hiver qui frissonne sous la neige, qui danse comme un manège. Je n'ai plus peur de l'hiver, car je sais que le printemps jaillira de la terre et renaîtront en chantant. Je n'ai plus peur de la peine qui désespérait mon cœur et qui avait dans malheur. Je n'ai plus peur de la peine, car je sais bien que la joie est l'ami la plus fidèle et que pour celui qui je n'ai plus